le rodéo. J'aime le judo, les robes de Paco Rabanne. Je suis sublime. J'aime le coca le matin. J'aime les croissants dans mon bain. Mon nom c'est Elisabeth. Je suis sublime. J'aime le mahjong. Le pétard de Steve McQueen. Je suis sublime. J'aime les motards. Vous êtes les rois.